Tout de suite et jusqu'à 14h, on écoute Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Tout le monde est encore sous le coup d'une profonde émotion qui a bouleversé l'Europe à l'annonce des événements d'Autriche. Ce pays qui n'est plus que le croupion de ce qu'avait été l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que vous n'avez plus aucun doute sur la responsabilité directe de Kurt Waldheim dans les crimes de guerre commis par les nazis en Yougoslavie? Je vous promets quelque chose de très concret. Je vous promets, si vous me conduisez au pouvoir, qu'on va en finir avec les privilèges. La participation de l'extrême droite au gouvernement autrichien constitue en effet un grave danger pour les libertés. Au début octobre de l'année 2002, l'on apprenait l'effondrement du FPÖ, le Freiheitliche Partei Österreich, le parti de l'Autriche d'abord, du nationaliste et souriant Jörg Haider. Depuis, après un malencontreux accident de véhicule, entraînant le décès du chauffeur qui avait confondu 70 km/h avec 140, le sourire s'est quelque peu figé. Cet échec électoral, suivi de ce décès, aurait pu laisser augurer que c'en était fini du FPÖ. Mais c'était sans compter l'amour badin et paternel avec lequel l'Autrichien moyen chouchoute son FPÖ. Last but not least, comme aiment à le seriner les grands Bretons, pas plus tard qu'il y a peu, l'Autriche, jamais la dernière à pointer dans la catégorie gag et élection, enchaînait coup sur coup en une semaine le plébiscite de son Erste Bundeskanzler, j'ai nommé le ci-devant et svelte Sébastien Kurz, alias Kukurz, 72 kilos sur la balance, avant le renvoi du même Sébastien dans les vestiaires, renvoi par l'arbitre après visionnement de l'assistance vidéo. Rappel des faits, dans une villa d'Ibiza, son désormais ex-vice-chancelier d'extrême droite, donc l'extrême bras droit de Kukurz, proposait des marchés publics autrichiens, plus une petite feuille de chou, un journal local à racheter, le tout en échange de financement occulte à une sorte de poupée russe, nièce d'un énième oligarque de même nationalité. Scandale, démission collective des ministres du même bord, donc le FPÖ, et leur parti qui se jette dans les bras de l'opposition sur l'air de « Non, non, Sébastien, je le sens bien, ce n'est pas ton petit doigt qui me chatouille. » Enfin bref, voilà notre petit chancelier, planté de banderilles, obligé d'envisager l'infirmerie la plus proche. Sacré Kukurz, le plus petit mandat dans sa catégorie de toute l'histoire de l'Autriche. Un demi-round, à peine. C'est l'écrivain Thomas Bernhard qui doit se bidonner. Lui qui aimait à dire « Quelles abominables créatures détiennent aujourd'hui le pouvoir dans cette Autriche. Les gens les plus bas sont en haut à présent. Les plus répugnants, les plus grossiers tiennent tout en main et sont sur le point de détruire tout ce qui représente quelque chose. » Ah, l'Autriche. L'Autriche et ses vieux démons. L'Autriche en nouvelle diffusion. Chapitre 1. La mort d'un homme, le début d'une guerre. Ça y est enfin, depuis la fin du 19e siècle, le vieux continent traverse une période de calme, une période de sérénité. Une belle époque, comme vont l'appeler plus tard les historiens. Les cartes géographiques sont des plus évidentes à parcourir. Au fond, il n'y a guère sur l'ensemble du continent européen que 5 tâches principales. 5 écussons qui comptent véritablement comme puissance. Ce sont la Grande-Bretagne, la France, viennent derrière l'Allemagne, la Russie et le vieil empire austro-hongrois. Pour chacun, c'est une période de croissance, d'extension territoriale. C'est à qui aura la plus grande part du gâteau du reste du monde. Entre elles, les grandes puissances sont désormais lancées sur l'inexorable course au progrès. Pour chacun, toute nouvelle invention, militaire, industrielle ou scientifique, est l'occasion de prendre le pas sur l'autre et d'accroître ainsi ses atouts dans le jeu des alliances, inlassablement rebattu, inlassablement rejoué. Ainsi, si les écussons sont au nombre de 5, les alliances, elles, ne sont qu'au nombre de 2. La triple alliance composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, cela tiendra jusqu'en 1914, et la triple entente qui regroupe la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Le 28 juin 1914, un attentat vient faire basculer ce fragile édifice. Ce jour-là, l'archiduc autrichien François Ferdinand, neveu du Kaiser Franz Joseph et prince héritier de l'Empire austro-hongrois, est en visite. Il est en visite à Sarajevo, capitale de cette petite province nommée Bosnie. François Ferdinand n'aime guère la solitude et c'est bras-dessus-bras-dessous avec Sophie, sa femme, qu'il est venu rendre cette visite, occasion pour eux de célébrer la 14e année d'un mariage fort heureux. Le couple impérial est accueilli à la gare par le gouverneur de Bosnie. On le fait monter dans une voiture de sport, découverte, histoire d'effectuer un trajet au vu et au su de la population au sein de la ville. Provocation ou maladresse, quand on se souvient que le 28 juin est également pour les Serbes une date anniversaire, mais celle-ci de bien triste mémoire, puisqu'en l'an de grâce 1389, ils perdirent, et pour longtemps, leur grandeur et leur importance. On se dit donc qu'il y a du danger dans l'air, du danger dans l'allée des lanceurs de bombes. Malgré cela, et malgré les recommandations du gouvernement serbe, dirigé par le modéré Pašić, qui avait prévenu qu'un des siens pourrait bien avoir envie de glisser une vraie balle dans son fusil au lieu d'une cartouche à blanc, on ne tient compte de rien, et le cortège impérial avance lentement sur l'artère principale de son parcours. Il ne s'est pas écoulé 5 minutes qu'un attentat à la grenade sème la panique dans l'escorte, suivi d'un autre où deux jeunes bosniaques tentent d'ouvrir le feu sur le couple. L'archiduchesse est blessée. Le prince héritier demande qu'on la transporte d'urgence à l'hôpital militaire. Le chauffeur se trompe dans son parcours, veut rebrousser chemin. C'est à cet instant précis qu'un étudiant bosniaque de 18 ans, Gabriel Princip, surgit de la foule et tire 2 coups de feu sur la voiture, transportant le couple princier. Il blesse mortellement l'archiduc et sa femme. Princip est arrêté. On ne tardera pas à savoir qu'il est le leader d'un groupe extrémiste, Jeune Bosnie, en rapport avec une mystérieuse organisation secrète serbe, la Main Noire. La mort de l'archiduc et de sa femme plonge l'Europe dans une indifférence de peu de durée. Bien vite, les balais diplomatiques de tous bords indiquent bien que ce double assassinat va servir de prétexte à la couronne austro-hongroise, soutenue officiellement et prussiennement par le Kaiser, pour exercer des représailles contre la Serbie. Il faut moins d'une semaine pour que l'embrasement devienne général. Le 23 juillet, l'Autriche adresse un ultimatum à la Serbie. Objectif, une correction locale destinée à humilier le petit pays. Cinq jours plus tard, Vienne déclare officiellement la guerre à Belgrade. Deux jours se passent et le prince de tous les Slaves, son Altesse Nicolas II, tsar de toutes les Russies, décrète, au nom de la solidarité slave, la mobilisation générale. Le chancelier allemand tente de calmer le jeu, mais il est à son tour dépassé par l'ampleur des événements. La France se range du côté russe. Nombre de pacifistes font déjà entendre leur voix, mais certains la perdent immédiatement, comme Jaurès, assassiné le 31 juillet. Le samedi 1er août 1914, à Berlin, inquiet de la poursuite de la mobilisation russe, le chancelier allemand se laisse convaincre par son chef d'état-major de déclarer la guerre au tsar. Le même jour, la France décrète la mobilisation générale. À 4 heures de l'après-midi, tous les clochers de France font entendre leur sinistre tocsin. Trente-cinq jours seulement après l'assassinat de Sarajevo, la Première Guerre mondiale commence. C'en est fini de la Belle Époque. Auf dem Boulevard am Abend trippeltrapp und trippeltrapp, da flanieren wir Grisetten kokettierend auf und ab. Trippel, trippel, trippeltrapp, trippel, trippel, trippeltrapp, trippel, trippel, trippel, trippel, trippel, trappel, trippeltrapp. Und mit Goldlack Halsstifletten trippel, trippel, trippeltrapp, und mit Hüten, Schülkoketten gehen wir dort auf und ab. Histoire vivante sur la première. Cette semaine, l'Autriche. De la fin d'un empire à la montée des extrêmes, une démocratie crispée. Chapitre 2. Après-guerre, cherche équilibre. Faire offre. L'empereur François-Joseph n'aura pas eu le privilège d'entendre le dernier coup de feu de la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1916. Dès lors, l'Autriche voit naître sa première république. En fait de république, l'Autriche va payer cher son alliance allemande. Elle ne compte plus guère que 7 millions d'habitants. L'État qui succède à la monarchie découvre une gestion en désorganisation complète que les différentes scissions ne vont guère arranger. De plus, la Bohême-Moravie récupère les bassins industriels, c'en est donc fini du grand marché intérieur entre Hongrie et Autriche. Quant à l'espoir d'une union avec la nouvelle République de Weimar, les Autrichiens pro-allemands savent bien qu'ils peuvent désespérer et pour très longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, le traité de Versailles, qui a scellé la défaite allemande, soit, peut-être, foulé aux pieds. Le pays, pour le moment, n'a plus le droit de s'appeler Autriche allemande, mais Autriche, tout court. Quant aux frontières, le pays se voilà imposer un régime minceur où s'envolent ses surcharges géographiques de l'ancienne Autriche impériale. Le pays est dans un tel état qu'il faut en venir à l'aide internationale pour le sauver. L'humanitaire pointe donc le bout de ses brancards, de ses tentes et de ses convois d'alimentation entre 1919 et 1920. Américains, Britanniques, Suédois acheminent comme ils le peuvent la nourriture à une population affamée. Mais l'Autriche est loin d'en avoir fini avec ses misères. Une inflation galopante prend très vite le pays à la gorge, accélérant la misère à la vitesse grand V. L'ancêtre des Nations Unies, la Société des Nations, est sollicité pour venir jouer les pompiers économiques. Mais tout prêt à un prix et un taux, pour l'Autriche, ceux-ci seront la promesse de demeurer indépendants, et ce pour au moins 20 ans. L'oxygène made in Société des Nations fait du bien à l'Autriche, côté finance, qui connaît une période de déflation, mais elle ouvre en même temps une autre poche, largement cauchemardesque, le chômage. Côté politique, l'Autriche est plongée dans une instabilité de tous les instants. Le pouvoir est à Vienne, mais il est aussi dans les provinces, et celles-ci ne sont pas du même bord que la capitale. La capitale, elle, est tenue par les socialistes, la province par les conservateurs. Décidément, rien de bien nouveau sous le soleil. Illustration de cette période d'instabilité, cette journée du 15 juillet 1927, au cours de laquelle des socialistes organisent d'énormes manifestations pour protester contre l'acquittement de 3 membres d'un groupuscule d'extrême droite. Le palais de justice est incendié, la police ouvre le feu, une centaine de manifestants tombent sous leurs balles. Mais l'Autriche n'en a décidément pas fini avec les malheurs. C'est au tour du Kreditanstalt de faire faillite. La chute de la plus puissante banque d'Autriche précipite l'économie du pays dans le marasme et la crise. Thank you. Chapitre 3. Après le désordre, l'ordre. L'inverse est aussi vrai. C'est un parti unique qui va tenir les rênes du pouvoir en Autriche. Le Front patriotique, le Vaterländische Front. Les autres partis politiques peuvent aller se rhabiller au vestiaire et tâcher de prendre les issues de sortie les plus discrètes. Seules sont désormais autorisées les organisations professionnelles. Un face-à-face va désormais voir s'affronter ce nouveau pouvoir qui a supprimé toute vie parlementaire face à une opposition ouvrière. La nouvelle constitution en vigueur est désormais rédigée à l'avantage, bien sûr, des nouveaux arrivants. Dorénavant, la référence et le modèle admiré est l'Italie. La nouvelle Italie, rutilante, entraînée par son condottiere Benito Mussolini. Le nouvel homme fort du pouvoir en Autriche n'est cependant pas si fort que cela. Il ne satisfait ni sa droite, ni sa gauche, ni leurs extrêmes respectifs. Le 25 juillet 34, les nazis d'Autriche passent à l'action. Ils donnent l'assaut sur la chancellerie. L'homme fort n'était pas immortel, il est éliminé sur le champ. Cependant, les nazis n'empochent pas la victoire et c'est un autre homme qui prend les rênes du pays, Kurt von Schuschnigg. Celui-ci, pas plus que ses collègues des puissances européennes, Daladier en France, Chamberlain en Angleterre, n'apprécieront à leur juste mesure les promesses de tranquillité proférées par le nouveau maître de Berlin. Comme les autres, Schuschnigg croira dans l'assurance faite par le Führer quant à l'intégrité du territoire autrichien jusqu'à ce jour du 15 mars 1938 où l'Autrichien Adolf Hitler paraît au balcon du palais impérial de la Hofburg de Vienne avec ces mots. Fertig vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. En qualité de guide de la nation allemande et du Reich allemand, j'annonce devant l'histoire allemande l'entrée de mon pays natal au sein du Reich allemand. Est encore sous le coup d'une profonde émotion qui a bouleversé l'Europe à l'annonce des événements d'Autriche. Événements qui se sont déroulés à un rythme tel que c'est avec une stupeur véritable que l'univers a appris samedi matin la démission du chancelier Schuschnigg, l'entrée des troupes du Troisième Reich par toutes les frontières de l'Autriche. Après que le chancelier Schuschnigg eût annoncé qu'il cédait à l'ultimatum de Hitler, le docteur Seyss-Inquart était nommé chancelier d'Autriche. Le drapeau nazi était hissé au sommet de l'hôtel de ville de Vienne et devant une foule immense, le nouveau chancelier au Rathaus proclamait en ces termes que l'Autriche devenait allemande. Ferner hat der Bundespräsident und Bundeskanzler Dr. Seyss-Inquart mit der Leitung des Bundesministeriums für Landesverteidigung betraut. Formidable régnait sur l'Europe. Les nouvelles les plus contradictoires volaient sur les ondes de la radio. Et pendant le lendemain, la vassalisation de l'Autriche était un fait accompli devant lequel les nations n'avaient plus qu'à s'incliner. Les troupes allemandes entraient à Linz. Et là, le docteur Goebbels, parlant au nom du chancelier Hitler, proclamait: Mit tiefem Schmerz haben wir seit Jahren das Schicksal unserer Volksgenossen in Österreich erlebt. Eine ewige geschichtliche Verbundenheit C'est avec une profonde douleur que nous avons suivi depuis des années le destin de nos compatriotes annotés. Moi, Führer et chancelier du peuple allemand, serai heureux désormais de pouvoir de nouveau, comme allemand et libre citoyen, fouler le sol de ce pays qui est aussi ma terre natale. Demain, retour sur cette fragile république autrichienne coincée dans son lendemain de guerre. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Jean-Marc Julien. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golan. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Et peut-être un beau jour pourrons-nous vivre un peu mieux ensemble. Tu en parles, j'en parle, on finit par ne plus rien entendre. On s'agite, on s'emporte, on riposte, on lève tes drapeaux pour habiller notre vie d'un peu plus haut. Proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.